habité plusieurs pays avant d'atterrir à Montréal dans les années 70 où il a ouvert la chaire d'études en littérature comparée. Zoom Trobar, troubadour en duo. Donc, il s'intéressait au Moyen-Âge. Avec ses recherches, il a écrit beaucoup de livres, mais ensuite, il a écrit aussi sur la poésie orale. Il a écrit des romans et de la poésie. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Nous creuserons une autre tour dans le ciel. Lève-toi, une Babel de pierre vive. Peut-être que simplement dans cette nappe d'eau se reflétera la confusion qui règne à la surface. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. L'aérospatiale, c'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de DCKRL 89.1 et on va commencer l'émission tout en planète. Tout en planète. Ça fit avec notre nom. L'aérospatiale, on se prend en sérieux ce soir. Oui, on se prend en sérieux. On est très, très cohérent dans notre approche. Cohérent, cohérente. Donc, d'abord, on va s'entretenir avec Julien Lebergie qui sort d'une résidence de recherche et création à la Chambre Blanche. On a eu de la misère à se trouver un rendez-vous, mais enfin, on l'a avec nous en studio ce soir. Donc, on va pouvoir en savoir un peu plus sur son projet Saturne ou l'exploration d'une mélancolie terrestre. Donc, d'où notre petite thématique planète. Puis ensuite, gentilhomme de la France, tu t'entretiens avec quelqu'un d'autre à propos des planètes. C'est exact. Ben, à propos des planètes, mais surtout à propos de l'art. Les planètes. Donc, ça va être Amélie Laurence Fortin qui nous fait une petite visite là, de Berlin pour faire son montage d'exposition à la Galerie des arts visuels. Et elle vient nous parler de cette exposition qui ouvre demain, le Cercle d'Arcadie. Et Arcadie, oui, c'est un lieu de la mythologie antique un peu utopique, mais c'est également un lieu qu'on retrouve sur la planète Mars. Oui. Et c'est un peu un des points de départ là, qui a amené à cette exposition-là, qui explore, qui a vraiment été réalisée et réfléchie in situ pour la Galerie des arts visuels. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus longuement avec Amélie Laurence. Et pour la deuxième partie de l'émission, c'est toi, Myriam Leland, qui part en conversation avec Martin Bureau. Oui, on sort des planètes. Ben, en fait, on revient sur la planète Terre avec Martin Bureau pour parler de son exposition à la Galerie 3, qui est Saint-Déluge de la Consolation, qui présente ses œuvres sur aquarelle. D'aquarelle sur papier. Puis c'est un beau mélange de sublime et de préoccupation environnementale. J'ai bien hâte de l'entendre à ce sujet-là, parce que ça découule de ses recherches sur ce qui s'appelle l'Anthropocène. Vous devrez rester à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission pour comprendre qu'est-ce que c'est puis comment ça a un impact sur sa recherche artistique. Mais pour l'instant, on va se laisser avec des pièces toutes chaudes des chercheurs d'art, le dernier album Caballero qui vient d'être lancé. Donc, on va commencer avec la première pièce, générique 1. Et au retour, on s'entretient avec Julien Lebergie. De retour à l'aérospatiale, on a avec nous en studio Julien Lebergie. Bonsoir. Bonsoir. Julien Lebergie, tu as effectué une résidence pendant du 7 janvier au 15 février à la Chambre Blanche. Et on le disait là, en introduction d'émission, cette résidence s'intitulait Saturne ou l'exploration d'une mélancolie terrestre. Donc, t'es parti à la recherche d'une mélancolie? Je suis parti à la recherche d'une réflexion sur la mélancolie. Oui. Et je ne sais pas où ça m'a amené précisément. Mm-hmm. Puis, on en parlait un peu avant l'émission, dans ta recherche, tu as fait beaucoup de performances qui impliquaient des gestes, des opérations quotidiennes. Oui, des opérations assez simples. En fait, j'ai utilisé la performance vraiment comme une sorte de mode d'exploration, une exploration sur moi-même et sur ma perception du temps. Donc, je faisais des performances assez simples, souvent avec des va-et-vient entre deux points, en portant un objet, une sculpture en l'occurrence, mm-hmm. plusieurs sculptures en fait. Puis j'essayais d'établir les différentes phases qui se révèlent à moi pendant l'expérience. Donc une première phase d'enthousiasme où pendant quelques minutes j'étais très content d'effectuer ces allers-retours, très concentré sur mes gestes. Puis une phase où tout commençait à devenir un peu plus pénible, un petit peu plus lent, donc une sorte de dilatation du temps qui était en train de se faire. Un espace entre chacune des minutes qui rendait l'expérience de plus en plus compliquée. Puis une autre phase où finalement j'essayais d'optimiser les gestes, optimiser le balancement de mon corps pour favoriser mes déplacements, le rendre plus agréable. Et une dernière phase avec une sorte de ras-le-bol où je luttais pour continuer jusqu'au moment où j'arrêtais et je rompais la procédure. Et dans toutes ces expériences là, c'était vraiment ta perception du temps à laquelle tu prenais vraiment attention? Oui, tout à fait. En fait, ça s'inscrit dans la logique du dernier projet que j'avais fait, que j'ai venu d'ailleurs présenter à l'aérospatiale il y a à peu près un an. Oui, peux-tu me nommer? Attends un peu. Nomme-le parce que je me souviens plus tout au complet. Ça s'appelait le comité d'organisation spatiale, supervise 604 800 secondes de la vie de Julien Lebergie. Bon, ben vous comprenez à la maison pourquoi je me souviens pas du titre. Donc j'avais été enfermé pendant 7 jours et puis pendant cette expérience, je m'étais rendu compte que la perception du temps venait redéfinir le lieu dans lequel j'étais. Donc les moments où tout allait vite, où j'étais bien, j'avais l'impression d'être dans un loft très agréable. Par contre, quand il y avait des procédures trop redondantes ou fatigantes, alors là, il y avait dilatation du temps, puis là, le lieu se transformait en prison. Donc cette perception du temps transformait la perception de l'espace, puis c'est à partir de cette réflexion que je voulais travailler, donc à travers la performance, cette perception du temps. Donc cet ennui qui ralentit un peu le flux de l'expérience qu'on a, là. Oui, exactement. En fait, je l'ai vraiment pensé en termes d'unités, donc des unités de secondes qui s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre, et puis un espace qui se crée entre les deux. Donc vraiment, quand je parle de dilatation du temps, là, c'est un nouvel espace-temps qui se crée. Mm-hmm. Puis ça rejoignait cette problématique ou réflexion que j'avais sur les planètes, cette distance qu'on a entre nous et ce qu'on regarde, oui. Une sorte d'inaccessibilité où finalement l'autre unité devient comme inatteignable. Puis j'essayais d'établir des liens donc, entre la recherche et la réflexion sur l'espace, les conceptions qu'on a de l'espace, oui. Puis l'expérience physique de la perception avec le temps sur Terre, là, donc une exploration purement terrestre. Et est-ce que c'est encore un peu dans cette visée-là, toujours fictive et utopique, d'aller dans l'espace, de préparation pour un voyage spatial, ou ça a pris une direction différente, cette recherche-là? Non, ça s'inscrit encore dans mon programme de découverte spatiale pour ceux qui mélangent les chiffres et la poésie. Donc, effectivement, c'est toujours à des titres à rallonge. T'as utilisé en lettres, hein? Oui, un petit peu. Donc un programme qui mêle des approches scientifiques ou pseudo-scientifiques et de la poésie pour finalement me donner prétexte pour réfléchir à des problématiques qui seraient par contre pour le coup très, très réelles, c'est-à-dire la longueur des voyages dans l'espace, la solitude, l'ennui, puis aussi toutes les procédures à suivre quand on est dans une navette spatiale pour la recherche scientifique. Donc ce projet s'inscrivait quand même dans ce programme-là, donc procédure, voyage, solitude, ennui. et comment on peut s'adapter à ça, comment on peut développer des sortes de résistances, donc par le jeu notamment, essayer de jouer avec soi-même, essayer de se créer des dérivatifs là, pour essayer pour d'oublier revenir, d'où on est. Pour revenir au stade motivation. Tout à fait. En fait, ce que je commence à comprendre, c'est que quand il y a pathos, il y a souffrance, il y a dilatation du temps, quand il y a ludus, quand il y a le jeu, il y a compression du temps. Donc, dans des moments d'ennui ou de désintérêt, ou un petit peu de perte de sens, j'essaye de recréer des sens plus fictifs, de jeu, donc ludiques, pour essayer de recompresser ce temps pour qu'il aille plus vite, puis que je retrouve une sorte de plaisir à faire les choses. Et à ce moment-là, quand tu inventes des moments ludiques comme ça, c'est où que tu vas chercher pour venir instaurer une espèce de nouveauté, de motivation plus intense? C'est essayer de relancer le cerveau créatif. Donc, dans le mode procédural, je suis très passif par rapport à ce que je dois faire. Puis à un moment donné, bien précis... c'est pas nécessairement bien précis, mais je vois quand même un moment où il y a rupture, où je décide de reprendre le contrôle de ce que je suis en train de faire pour redevenir créatif. Mais pas nécessairement d'un point de vue esthétique, peinture, sculpture, mais repenser ce que je suis en train de faire, le reconsidérer, essayer d'en faire autre chose, de lui redonner une autre signification, donc de jouer avec ses sens, pour jouer avec mon sens. Puis c'est intéressant parce que il y a aussi quelque chose de l'ordre de la croissance personnelle dans tout ça, de s'observer, d'observer notre rapport au monde. Et puis il y a un croisement aussi avec la phénoménologie. Ouais, effectivement. Pour ce qui est de la croissance personnelle, je connais à peu près rien. Par contre, ce qui m'intéresse depuis quelques mois, peut-être même une année, là, c'est tout ce qui est recherche sociologique, donc les expérimentations, l'expérience, avec un chercheur qui est observateur participant, et ce qu'on appelle aussi l'auto-ethnographie, donc quelqu'un qui va faire une expérience d'observation, mais qui va aussi porter un regard sur lui-même dans cette expérience, pour essayer de comprendre, premièrement, sa perception de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train d'observer, et puis comment... l'expérience est en train de transformer son regard sur la chose. Donc, c'est un objet qui est observé, celui de l'étude, et l'ethnographe qui est aussi observé par lui-même, pour essayer de mieux comprendre cette étude-là. Donc, c'est un gros travail de perception. Oui. Ce qui rejoint les problématiques de phénoménologie. Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup, Julien Leberger, d'être venu partager avec nous un peu les recherches, les découvertes que tu as faites au cours de ta résidence à la Chambre Blanche. Est-ce que tu sais déjà un peu où ça va te mener? Est-ce que tu as des pistes des expos qui s'en viennent, ou des pistes comme ça de comment ça peut se concrétiser, tout ça? Ben, je pense continuer à travailler comme sur la performance, comme processus d'exploration, comme modalité en fait, de recherche. Prochainement, j'ai un projet d'1%, donc là, on va retourner vers quelque chose d'un petit peu plus sculptural, peut-être. J'en dis pas plus pour le moment. Okay. Et puis, je suis en train de faire mon doctorat donc, en art et création, en art et en sciences sociales. Donc, ça va être beaucoup de réflexions sur ma pratique et puis sur ces thématiques de... la performance, les milieux administratifs, les procédures, et puis tout le temps, un petit peu le temps relié à l'espace. Et j'aimerais quand même profiter de mon moment d'antenne pour remercier vraiment beaucoup toute l'équipe de la Chambre Blanche qui m'ont fait un accueil extraordinaire. Donc, monsieur le directeur François Vallée, Carole Belzile, et puis Carl Dave, le technicien hors pair, qui ont permis que je passe un très agréable moment dans ce centre d'artistes. Ben, on les salue. Et on leur transmet tes remerciements. Merci beaucoup, Julien Leberger. Et nous, on va se laisser pour une petite pause musicale avec Voyou. Je ne peux pas ouvrir les yeux. À présent, je ne peux faire mieux que d'éviter le regard de ceux qui dégainent leurs pistolets silencieux. Mais comme les mots sonnent creux, vides de sentiments heureux, je les pointerai vers l'odieux. Pas la peine, je rigole, si on veut. Mais quand s'élèveront les voix à l'assaut ou les rabat-joie, faudra-t-il que je franchisse le pas des limites de l'État? Mais je n'ai pas peur, pas peur des voyous. We'll be right back. me délire. Je ne veux pas être ennuyeux. S'il le faut, au galop, j'irai vers eux. À l'heure où les embrasses allongent, imminente et la mort j'annonce. Pour pas crever la goutte tournée, je vais mourir lentement, triste et bien. Mais je n'ai pas peur. Alors, nous sommes toujours à l'aérospatiale et c'est Amélie Laurence Fortin qui est avec nous en studio. Bonsoir Amélie. Allô, gentille-Anne. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis contente de te recevoir. Ah, moi aussi. D'avoir ce précieux moment avec toi dans ta courte présence ici en terre québécoise pour le montage et le vernissage de l'exposition Le Cercle d'Arcadie qui est présentée à la Galerie des Arts Visuels à partir de demain. Oui, à partir de demain soir. Et Amélie Laurence, tu sors de ta zone de confort avec le Cercle d'Arcadie. Effectivement, c'est vrai. Je sors de ma zone de confort complètement. Donc, on est dans les couleurs, on est dans les textures de chevelure colorée. Mais d'abord, on va commencer par le début. Le Cercle d'Arcadie, ça se trouve sur la planète Mars. Bien, en fait, c'était... quand ils ont découvert que sur Mars, il y avait des volcans, il y a un énorme volcan, le plus gros de tous les volcans. Au départ, le premier nom qu'il a eu, ce volcan-là, c'est The Arcadia Ring. C'est le Cercle d'Arcadie en français. Mm-hmm. Donc, maintenant, il s'appelle Erebus, donc on ne peut plus le retrouver sous ce nom-là, mais c'était son premier nom, effectivement. Et il y a une plaine d'Arcadie aussi, j'ai fait mes recherches. Ah oui? Oui, il y a une plaine d'Arcadie sur Mars, puis il y a de la glace dans des cercles. Je pensais que c'était ça, en fait. Mais donc, l'idée de cette exposition-là a émergé avec ce contact avec Mars, mais aussi avec le contact avec la Galerie des Arts Visuels en tant que telle. Oui, tout à fait. C'est une exposition qui réfléchit in situ. Oui. Puis là, je vais te raconter une anecdote. Vas-y. J'étais allée voir ton exposition Sous les soleils à Gatineau. Oui. Je savais qu'il y avait un élément qui était sonore dans l'exposition, puis je suis rentrée, puis le système de ventilation avait un petit buzz. Oui, je le sais. Oui, puis j'étais avec mon ami, puis j'étais comme, écoute, c'est de l'art. Ah oui, c'est vrai qu'il était présent. Ouais, moi aussi, ça me fatiguait. Mon ami était comme, non, c'est le système de ventilation. Puis à un moment donné, le système de ventilation a arrêté. Puis il y a ta pièce qui était intermittente, qui s'est mise à faire du son. Puis j'ai fait, OK, il est là, l'art, c'est de l'art. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand j'étais à Axino 7, à Gatineau, en 2018, ce son-là de la ventilation, parce qu'on était au milieu de l'hiver, on était en janvier, donc le son de la ventilation, il m'agaçait énormément, puis j'ai fini par l'écouter énormément. Oui. Donc, c'est, je pense que mon oreille s'est faite à ce son-là, puis je me suis habituée à lui. Donc, quand je suis rentrée dans la Galerie des arts visuels, qui a déjà un système d'aération quand même très proéminent, là, avec 6 grosses bouches d'aération. Et visuellement très présent. Très, aussi, visuellement ouais. très présent. J'ai été aussi très attirée par le son. Ça m'a capté, probablement parce que j'avais eu l'autre expérience, mais j'y avais pas réfléchi. donc cette exploration un peu du système de ventilation, mais du vent aussi qui est dans oui. cette exposition-là que tu nous proposes, Émilie-Laurence Oui, parce que, oui, en fait, je suis dans une recherche présentement sur l'énergie puis sur les capacités énergétiques des espaces. Donc, simplement, là, c'est juste un préambule, mais avec cette idée-là derrière la tête, quand je suis rentrée à l'intérieur de la Galerie des arts visuels, je me suis dit, mais j'ai remarqué à quel point il y avait énormément de possibilités de travail avec ce système d'aération-là, donc nécessairement du vent qui était très peu utilisé dans les expositions que j'avais vues précédemment. Donc, je me suis dit, c'est l'opportunité d'essayer de travailler avec cette énergie-là. Et qu'est-ce qui en a émergé de cette inspiration du vent qui circule? Ben, en fait, il y a eu plusieurs choses qui sont passées oui. parce que, tu sais, bon, c'est... Moi, je construis des expositions avec un point de départ, puis ensuite, je saute sur une autre idée qui m'amène vers une œuvre, etc. Donc, il y a 5 œuvres dans l'exposition qui sont toutes arrivées une après l'autre, mm-hmm. avec cette idée-là du vent, du mouvement du vent et du ventilateur qui était présent. Puis la première pièce que j'ai créée, c'est comme une espèce de ventilateur industriel qui devient une boîte lumineuse, puis qui tourne très lentement, pour parler du vent, mais pour parler du soleil, parce que les vents de jour, c'est les vents solaires. Ouais. Donc, le vent est très sur Terre, le vent est très, très, est créé par le soleil. Donc, mettre le soleil et le vent ensemble devenait comme un peu obligatoire dans ma réflexion sur le vent. C'est pour ça qu'il y a aussi énormément d'éléments explosifs, comme des explosions, et ces mouvements-là. Entre le vent et le soleil, ça s'est passé pas mal entre le vent et le soleil, là, si je veux résumer. Donc, ces éléments explosifs, c'est dans la murale que ça se passe. Donc, on a une très grande murale, une espèce de grande mosaïque, montage photographique avec des éclairs, des volcans, des explosions, mais il y a aussi, donc il y a quelque chose d'explosif, mais il y a aussi quelque chose d'apaisant, de très harmonieux. Oui, il y a de l'harmonie parce que, ben évidemment, ben on cherche tout le temps, l'œil de l'artiste cherche tout le temps un peu d'harmonie, mais il y a quelque chose qui est important dans cette tapisserie-là, c'est la tuyauterie, en fait. Ouais. La tuyauterie, comme je parle de la tuyauterie du plafond, il y a aussi la tuyauterie sur le côté. Donc, tous les éléments se mélangent pour un peu... À force de travailler avec ça, là, pour aller plus loin, à force de travailler avec ça, je me suis rendu compte que j'étais très inspirée par les films de science-fiction dans cette expo-là. Donc, je rentrais nécessairement dans le vaisseau spatial avec tous ces tuyaux, mm-hmm. toutes les images de vaisseau spatial, de tuyaux spatial, des humains qui s'en vont sur une autre planète, puis de quoi ça a l'air à l'intérieur, les lieux, m'ont aussi énormément inspiré dans ma recherche. Là. Donc, on parle de vaisseau spatial, puis là, ben, je vais passer à la navigation, on joue comme ça, parce qu'il y a une œuvre, c'est un élément très, très massif en entrant, c'est un signal maritime, le B, bravo, qui signifie « je charge ou décharge ou je transporte des marchandises dangereuses ». Ouais. Donc, pourquoi ton choix s'est arrêté sur ce signal-là? Simplement, c'est la couleur. Là, mm-hmm. Le B Bravo a un rouge vermillon très, très puissant. Puis aussi, me permettait, je cherchais à créer une diagonale puis dans la galerie pour changer notre orientation, notre déplacement à l'intérieur de la galerie. Puis cette diagonale-là, quand je la pensais, j'avais toujours l'impression que je rentrais dans un cargo. Je développais un mouvement dans l'espace. Puis quand tous ces éléments-là de feu, d'explosion, de science-fiction, de voyage se sont installés, je suis rapidement allée dans les drapeaux maritimes. Puis le cargo fonctionnait autant au niveau de la couleur que de mon impression du grand cargo qui avance dans l'espace. Mmh, mmh. Le grand cargo rouge qui avance dans l'espace puis qui nous dit « fais attention ». Oui, qui nous dit « fais attention », mais qui nous invite invite aussi à y pénétrer. Tout à fait. Donc, c'est un lieu habitable. Et dernière question, il y a aussi un élément audio dans, le, ouais. dans la galerie qui prend quand même beaucoup d'espace. C'est du chant classique. Oui, c'est de l'opéra classique. Oui. Donc, c'est du chant d'opéra. Donc, j'imagine que la voix, le souffle vient participer aussi de cette exploration. Exactement. Dans l'idée du vent, il y avait le souffle aussi. Puis, mm-hmm. comment rentrer le souffle de la meilleure façon avec un système d'inhalation fort, c'est vraiment d'avoir une voix claire, puis de créer une sorte de voix, une espèce de monde humain au travers de ce monde oui. de machines que je crée ouais. dans l'exposition. Bien, alors c'est très, très intriguant. On se donne rendez-vous demain à la Galerie des Arts Visuels à 17h, Amélie-Laurence Fortin, pour découvrir cette expo là, que j'ai eu la chance de voir en primeur, en montage hier soir. Et bon, on se quitte pour une pause publicitaire. CARL.QC.CA. Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Ah, tant mieux. J'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur. Je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas partir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile? Mon mari? Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Du 25 février au 1er mars, les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec présentent Le Dindon de Georges Feydeau, dans une mise en scène de Jacques Leblanc au Théâtre du Conservatoire. Réservation 418-643-9833. Dans la vie, je suis un créateur de son, un artisan de l'archet, un as de l'inspiration et le roi de la double croche. Je mobilise, j'écoute, je pratique, j'interprète les plus grands compositeurs et j'apprends des meilleurs professeurs. Le Conservatoire de musique, une formation de qualité supérieure, un encadrement rigoureux, un enseignement maître-élève et une dynamique culturelle vivante. Fais de ton instrument ta passion et de ta passion ton avenir. Le Conservatoire de musique, admission jusqu'au 15 mars. Viens faire ton conservatoire. Première ovation. Première ovation, un tremplin pour la relève culturelle de Québec et de Wendake. Jeunes talents et artistes émergents, plusieurs appels de projets sont en cours. C'est le moment de déposer votre candidature et de réaliser vos ambitions. Pour les programmes en arts littéraires, en danse, en musique, en arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art, en cirque et en cinéma, vous avez jusqu'au lundi 2 mars pour envoyer votre dossier à l'organisme gestionnaire de votre discipline. À noter, une nouvelle méthode de dépôt pour les artistes détenant le statut autochtone est désormais en vigueur. Tous les détails au premierovation.com. Danny Placard nous revient avec une odyssée psychédélique sur un album concept « Je connais rien à l'astronomie ». À l'astronomie, le nouvel album de Danny Placard, disponible en magasin et sur toutes les plateformes. Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et le collectif Rêve en couleur, présente en grande première nord-américaine la pièce À l'affiche. C'est l'histoire de Sam, Avery et Rose, trois employés sous-payés qui travaillent dans une petite salle de cinéma. Il est question de cinéma, de triangle amoureux, de popcorn, de virage numérique, de Pulp Fiction, mais surtout d'authenticité. À l'affiche, récipiendaire du prix Pulitzer 2014. Un texte d'Annie Baker dans une traduction et une mise en scène d'Angélique Patterson. Du 25 février au 14 mars au Théâtre Premier Acte. Pour plus d'informations, visitez premieracte.ca. Rebienvenue à l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec. Toujours en studio à CKRL 89.1. Toujours. Toujours. On reste ici. On bouge pas pendant l'émission. Mais maintenant, il y a Martin Bureau avec nous. Oui, exactement. Martin Bureau, on est très heureuse de te recevoir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es ici pour nous parler plus spécifiquement de ton exposition Saint-Déluge de la Consolation à la Galerie 3. Le vernissage était vendredi dernier. C'était un très beau vernissage. Beaucoup de gens. Félicitations. Merci. Moi, j'aimerais ça qu'on commence par parler du nom, déjà. Saint-Déluge de la Consolation. Il y a des beaux contrastes dans ce nom-là. Puis c'est le nom aussi d'une série d'œuvres qui sont dans l'exposition. Exactement. Tout ça part de... L'exposition, au départ, était définie pour poursuivre la série Anthropocène que j'ai entamée il y a quelques années. Et puis, dans mes déambulations de l'automne dernier, alors que je produisais la série, je suis passé devant l'église Sacré-Cœur sur Grande Allée, qui était en cours de destruction. Mmh. J'ai été fasciné par le décor que j'ai vu. Puis, je suis retourné chez moi, je suis allé chercher mon appareil photo, j'ai sauté la clôture, puis je suis allé faire des photos dans les ruines. Et puis, ça a été une révélation dans la mesure où ça a créé une bifurcation dans la production des tableaux que j'avais prévu faire. Parce qu'il y avait urgence du chantier qui avançait. Oui. Il y avait aussi, en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait la destruction de l'église Saint-François d'Assise à Limoilou qui était ici, près d'ici, qui était imminente, qui est en cours, que je suis assidûment. J'y étais cet après-midi, j'y étais hier. Je poursuis la documentation des lieux même après le vernissage, en fait. Mm-hmm. Et puis, donc, je me suis mis finalement à peindre les églises en destruction. Dans cette réflexion-là, poursuivie dans l'Anthropocène, donc c'est l'ère de l'homme, c'est une nouvelle ère géologique, oui, qui dit que l'influence de l'homme est permanente sur les écosystèmes terrestres, donc on accumule des gaz, des plastiques, oui, et des gravats. On voit les traces de l'humain dans justement les couches, les strates géologiques. Exactement, exactement. Donc, dans cette idée-là de détruire le patrimoine bâti, on accumule encore plus de matériel. On dispose de ce matériel-là qui devient une couche géologique supplémentaire. On extrait de la matière terrestre pour en produire du fer, des métaux, de la vitre pour conduire des blocs de condominium. Donc pour moi, il y avait comme une espèce de dynamique accélérée. Genre de cycle d'autodestruction. Exactement, exactement. Donc l'idée pour répondre à ta question de Saint-Déluge de la Consolation, c'est que je voulais prendre un nom religieux pour, oui, faire comme toutes ces églises-là, c'est Saint-François d'Assise, Saint-Sacrement, Sacré-Cœur, et puis inventer une expression qui allait exprimer de manière métaphorique le point de vue que j'avais sur l'état des lieux. Le déluge biblique, c'est un événement qui aurait eu lieu, où est-ce que la planète aurait été complètement dévastée dans un grand déluge. Mm-hmm. La géologie a cru pendant jusqu'au 20e siècle que ce déluge-là avait eu lieu, et puis expliquait la science de cette manière-là, influencée par cette croyance spirituelle-là. Donc, je trouvais ça fascinant que de l'Anthropocène, qui est une science, disons, on parle de science, on parle pas de croyance ici, mm-hmm, qui a été jusqu'au 20e siècle influencée par une croyance. Ouais. Donc, de là, l'idée du déluge, et puis de la consolation, parce qu'on voit parfois cette connotation, ce mot-là dans les appellations religieuses, la consolation. Oui. Donc, et puis cette consolation-là aussi rapport au phénomène de l'Apocalypse. Donc, c'est Dieu qui nous console de l'Apocalypse. Donc, Saint-Déluge, mm-hmm, de la Consolation, pour moi, c'était tout relié entre l'Anthropocène et la connotation religieuse des sujets des tableaux. Mais merci pour cette explication très complète. Mais j'y voyais aussi quelque chose, détrompe-moi si je me trompe, pour moi, ça avait une référence un peu sacrée, justement, à cette destruction-là. Puis le déluge de la consolation, j'y voyais presque un genre d'espoir de destruction pour faire table rase, puis reconstruire. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête? Non, c'était plus ironique que ça. D'accord. Il y a pas énormément d'espoir pour moi dans cette appellation-là. D'accord. Mm. Donc, moins la consolation, plus le déluge. Puis, les œuvres qu'on peut voir dans cette exposition-là, donc on parlait de deux séries, la série Anthropocène, la série Saint-Déluge de la Consolation, justement. Tu nous as expliqué un peu d'où ça venait. Anthropocène est venu d'abord, puis il y a eu Saint-Déluge de la Consolation. formellement, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette exposition-là? Ben, c'est des aquarelles. Depuis quelques années, dans tout mon métier de la peinture, j'ai beaucoup commencé à l'huile, j'ai bifurqué vers l'acrylique, puis depuis quelques années, c'est comme si j'atténuais à chaque fois la matière, puis là, je suis rendu à l'aquarelle sur papier, marouflé sur bois. Donc, c'est des aquarelles de très petit format, ça va de 8 pouces par 10 à grand format 4 pieds par 6. Donc, pour moi, il y avait cette idée-là de créer des images, donc peintes à l'aquarelle qui, l'aquarelle, on sait, c'est un médium qui est connoté comme étant doux, qui est comme étant beau pour peindre des scènes belles. Moi, j'ai d'une part voulu créer un contraste entre le médium de la peinture de l'aquarelle et le sujet, les sujets. Oui, parce que c'est assez violent, qu'est-ce qu'on peut voir dans les images que tu crées. À tout le moins grave. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même des déchaînements dans ce que tu dépeins, beaucoup de fortes vagues, des feux, la destruction. Oui, c'est de reprendre l'imaginaire du déluge aussi. Oui. Donc, c'est le fameux déluge dont on parlait, c'est de reprendre cet imaginaire-là. Et puis, finalement, les mers, les océans en feu, mais c'est comme si c'était ce déluge-là qui se propageait, qui se répandait. Donc, il n'y a pas du tout cet aspect-là un peu romantique de la nature qui reprend le dessus sur l'humain, qu'on voit se développer beaucoup avec l'anxiété environnementale des dernières années. Oui, forcément, il va y avoir ça, mais ouais. Ça, c'est plus fort que moi, dans le sens que ça, ça fait appel à l'esthétique du sublime, ça fait appel à Turner, à Friedreich, ça fait appel à l'histoire de la peinture, ça fait appel à l'esthétique du sublime. Donc, donc, de ce point de vue-là, comme je dis, c'est plus grand que moi. C'est sûr que oui, parce qu'on a des références historiques qui sont révélées par la manière dont les tableaux sont peints, qui sont révélées par l'aquarelle aussi. Donc, forcément, oui. Oui. Tu parlais de médium que tu avais exploré, l'huile d'abord, puis que maintenant il y a l'aquarelle. Tu explores aussi la photographie, la vidéo. Est-ce que ce sont des sujets qui reviennent aussi dans ces médiums-là ou tu explores complètement autre chose de ce côté-là? C'est-à-dire que la photographie, je m'en sers beaucoup comme manière de documenter mes parcours en vue d'en faire des tableaux. Effectivement, j'ai en parallèle, je pratique le métier de cinéaste documentaire, donc souvent tout ça se recoupe dans une même démarche. Par exemple, la documentation qu'on peut faire actuellement sur l'église Saint-François d'Assise qui est en cours de destruction est à la fois photographique et vidéographique. Et puis, il y a déjà des idées qui se trament en vue d'intégrer ces images-là dans un prochain projet cinématographique. Mais après ça, les tableaux vivent en parallèle. Tout ça est amalgamé dans une seule et même démarche. Donc oui, je m'en sers partout pour tout. Immanquablement, tu t'inter-influences entre tes différents médiums. Exact. Oui. Mais merci beaucoup, Martin Bureau. On continue de parler de tout ça au retour de la courte pause musicale. On se laisse avec la piste « Les chiens » du groupe « Les chercheurs d'or ». Chien qui souffre doucement, chien tranquille ou chien débordement, chien modeste ou chien perçant, chien qui vire fou pareil. Les chiens à poil, la caravane passe, les chiens à poil, la caravane passe, chien n'y peut rien, chien qui hurle, chien de faïence, les chiens à poil, la caravane passe, chien police désobligeant. Chien qui se perd et le chien non manquant, chien renard, chien de tourment, chien qui court dans les chiens à bois, la caravane passe, les chiens à bois, la caravane passe, chien n'y peut rien, chien qui hurle, chien de faïence, les chiens à bois, la caravane passe, car il est content, il monte sur toi, il monte sur toi. Docile ou chien méchant, chien facile ou chien s'effarouchant, chien attache ou chien volant, j'ai la face au intéressant ça. Justement, c'est très intéressant. Martin Bureau, on continue toujours les discussions hors d'onde avec nos invités en studio. On parlait c'est ce qu'on va aborder maintenant. Tu parlais du fait que dans les dernières années, tu as été beaucoup à l'international, tu as couvert beaucoup des choses à l'international, Israël, tu parlais de Belfast aussi, si je me trompe pas. Puis là, avec Saint-Déluge de la Consolation, tu couvres quelque chose qui est très près de toi, autant physiquement que culturellement. Puis ce qui était très intéressant que tu soulevais, c'est que Gentiane, qui est avec nous en studio, nous mentionnait qu'il y avait toute cette notion-là du catholicisme très présent dans la mémoire québécoise. Puis c'est un peu ce que tu abordes avec des œuvres comme ça, l'enfouissement de la mémoire. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, justement, de te rapprocher un peu plus de toi-même? Bien, c'est effectivement depuis 2012 même que je travaillais sur le projet qui s'appelle « Les murs du désordre » qui était terminé l'an dernier, en 2019. Et puis, ce projet-là m'a amené effectivement en Israël, Palestine, à la frontière de ces deux pays-là, à Belfast, donc entre les catholiques et les protestants, pour filmer les murs, les peace-lines là-bas, à la frontière des États-Unis et du Mexique. Et puis, parce que je suis très concerné par les questions, les enjeux géopolitiques. Oui, parce qu'il y a une question de mur dans ces trois projets-là. C'était ce qui rassemblait le projet, c'était la question des murs. Puis bon, puis il y a les murs physiques, mais il y a aussi les murs mentaux, là, mm-hmm. puis qui sont beaucoup plus, finalement, difficiles à abattre que les murs physiques. Bon, on parlait de l'Église, qu'on détruit l'Église. Il y a une certaine émotion reliée au fait qu'on détruise nos Églises, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de commentaires qui favorisent l'idée du tabula rasa, dans le sens que mm-hmm. il y a eu beaucoup d'oppression au Québec face à... Bon, la religion a créé oui. beaucoup d'oppression morale, on le sait tous. Maintenant, c'est ce qui aide, c'est ce qui facilite d'une certaine manière, peut-être dans l'intérêt ou la perception générale plutôt, cette indifférence-là ou cette non-action-là face à la destruction de ce patrimoine bâti-là. Parce que, oui, d'accord, bon, la religion est plus ce qu'elle était en termes de pratique, en termes de ressenti, mais en termes de patrimoine architectural, je pense qu'il y a une question qui ne se pose pas. En fait, oui. il n'y a pas de volonté politique de vouloir conserver ces bâtiments-là. Puis moi, c'est ce qui se révèle à moi beaucoup avec tous ces chantiers-là qui, dans une seule année à Québec, vont... Parce que prochainement, ils vont entamer le démantèlement de l'église Saint-Sacrement, qui est quand oui. même une énorme église, qui est belle, immense, qui est de l'ordre magnifique. Qui est magnifique. Donc, mais on dirait qu'on laisse aller les choses. Ça, c'est une grande question. On parle d'église, puis on se parlait justement hors d'onde d'un projet spécifique qui figure dans l'exposition à la Galerie 3. C'est Saint-François d'Assise. Puis tu nous mentionnais... hors d'onde que c'est l'œuvre la plus récente qui figure dans l'exposition. Peux-tu nous parler un peu de comment tu as produit cette œuvre-là? Oui. Bon, dans le processus de création et de production des tableaux pour l'exposition, j'avais ma date d'exposition, évidemment, dont j'avais le vernissage le 20 février. Donc, je me suis mis à suivre ce chantier-là. Et puis, ils ont commencé à détruire l'église une semaine ou 10 jours avant le vernissage. Donc j'ai tout de suite documenté rapidement ce chantier-là pour finalement prendre la décision de le suivre quotidiennement et non pas juste d'y aller vraiment ponctuellement. Et puis, de sorte que je peux voir chronologiquement la destruction du chantier, donc l'accomplissement du chantier, je dirais plus. Mm-hmm. Et puis, voyant ça, j'ai eu l'idée de faire un tableau qui allait être vraiment frais, lors du vernissage, qu'on allait voir que c'est une image qui était excessivement récente, quasiment une photographie, mais c'est de l'ordre de la peinture. Donc, la peinture, ça fait appel à un autre imaginaire par rapport à l'instantanéité de l'image. On parle de pérennité de l'image. Donc, je voulais comme justement, dans ce paradoxe-là de la mémoire enfouie, moi, créer une mémoire par la peinture qui est vouée à être pérenne. Mais on faisait référence tantôt à l'aquarelle, puis à son lien avec le sublime, justement, qui est le lien qui se faisait inévitablement, malgré toi, un peu comme tu le disais. Puis c'est assez intéressant parce que, justement, l'aquarelle est devenue un médium assez... Au 20e siècle, au 19e siècle même, c'était un médium d'actualité. Justement, les grands incendies, les grands désastres naturels, les caricatures même, c'est assez intéressant de voir que tu réutilises un peu ces codes-là, mais pour une toute autre réflexion. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a passé en tête? J'ai pas. Effectivement, que l'aquarelle avait cette propriété-là d'une certaine manière de rapidité d'action. Ouais. Donc, on peut, à une certaine époque, ça a été peut-être probablement un moyen rapide d'agir, de créer des images et puis de les transcrire dans l'espace public. Moi, aujourd'hui, ce qui me fascinait, c'était le paradoxe entre le monde numérique et l'idée de l'aquarelle, parce que le monde numérique nous permet d'avoir beaucoup de repentir, de faire undo ou pomme z, oui. Et puis souvent éternellement, alors que l'aquarelle, c'est un médium qui permet aucune erreur, ou à tout le moins qui, même s'il y a une erreur, tu la vois, ton geste, il est définitif à chaque fois, et puis ta lumière, le fond, le papier, mm-hmm. tu le conserves, tu la traînes jusqu'à la fin. Donc pour moi, il y avait cette idée-là, dans l'époque dans laquelle on vit, d'action définitive qui m'intéressait dans cette matérialisation du geste. C'est assez intéressant aussi de voir le parallèle, puisque tu parles de l'enfouissement de la mémoire, puis avec un médium qui est plus permanent que ce qu'on peut faire avec le numérique. Il y a cette idée-là, justement, d'impression sur papier qui reste là, qui peut pas vraiment être enfouie, sauf si on détruit l'œuvre comme telle. C'est assez intéressant. J'espère que ceux qui acquéront ces œuvres-là les détruiront pas. Je le souhaite, ça serait vraiment un crime. Ce sont de magnifiques œuvres. Vraiment, c'est une très belle exposition à aller voir à la Galerie 3. D'ailleurs, ça se poursuit jusqu'au... 22 mars. 22 mars, exactement. Merci, Martin Bureau. Est-ce que, en ce moment, tu l'as dit, tu continues la documentation de la destruction de Saint-François d'Assise. Je présume que tu continues aussi de surveiller les nombreux, malheureusement, chantiers de destruction d'églises comme Saint-Sacrement. Travailles-tu? Je vais le faire certainement parce que ça s'est comme imposé finalement de poursuivre la démarche. Et puis, c'est quand même pour moi, ça poursuit naturellement ce que j'ai travaillé dans le passé, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue visuel aussi. Mm-hmm. La ruine est un thème qui revient, qui est toujours là. La catastrophe était toujours là aussi. Donc, je poursuis assurément de ce côté-là, puis je développe en parallèle de nouveaux projets cinématographiques, installatifs, qui m'amèneront à me promener aussi, je l'espère, un peu partout. Ah, j'allais d'ailleurs te demander si tu pensais rester plus près, comme avec ce nouveau projet-là, ou tu pensais retourner à l'international? J'ai beaucoup d'idées qui vont m'amener à me promener beaucoup. Mais qui vont être assemblés ici avec des sujets qui sont ici aussi, dont les églises peuvent faire partie. C'est très intéressant. Tu piques notre curiosité, Martin Bureau. Donc, je le répète, c'est l'exposition Saint-Déluge de la Consolation. C'est à la Galerie 3. Ça a déjà commencé la semaine dernière, puis c'est jusqu'au 22 mars. Merci encore une fois. Bonne soirée, Martin Bureau. Merci à vous. Bonne soirée. Merci de l'invitation. Donc, on se laisse pour une dernière pause musicale. C'est Laissez faire. Merci, gentil Andre. Comme cravate à leur cou, je délaisse ceux qui dressent les tabous. Pendant que l'antergilet se garde chasse et manitou, on propose l'est, bigarré et marabout. Je progresse dans la soie des envieux et des jaloux, et nous dansons, dansons dans la boue. Les mains en l'air, mais que monnayez-vous? Laissez faire, surtout. C'est les roses épigrièches, Chanel et chandail de loup, aux passionnettes et villas de mauvais goût. Perforant comme des flèches, mouche à marder, essuie-tout, pompe à vie, avatar et fissou. Rien ne sert de tuer la presse dans la mine. Et nous dansons, dansons dans la boue. Les mains en l'air, mais que monnayez-vous? Laissez faire, surtout. C'était un autre extrait du tout nouvel album des Chercheurs d'or, Myriam Lelin. Oui, gentilhomme, la France. Donc, c'est un groupe bien de Québec, bien de chez nous. Vous l'avez entendu, country folk, vigoureux. Il y a un de leurs albums qui est sorti aussi en novembre 2019, si je me trompe pas. Les deux ont été enregistrés en même temps à Québec. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que la pochette de leurs deux derniers albums ont été faits par l'artiste Natacha Mercure. Ce sont des peintures. C'est magnifique. Je vous suggère d'aller voir ça sur Bandcamp. Et si vous avez aimé, ils seront en spectacle avec les Hey Babies au Dauteuil le 13 mars prochain. Donc, avec cette superbe prononciation, on embarque dans l'agenda de la semaine. Gentiane, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bien, déjà ce soir, à partir de 19h, au pavillon La Sonde du Musée national des beaux-arts du Québec, il y a une conférence qui s'intitule « La création d'une icône, vie, œuvre et philosophie » de Frida Kahlo. Donc, c'est une conférence qui est donnée par Mélissa Thériault, qui est professeure au département de philosophie et d'art de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, elle va nous parler un peu de la Frida Manie, Donc, oui, c'est ça, la Fridomanie. Et puis, il y a notre chroniqueuse Claire qui va aller voir la conférence et qui va nous en parler la semaine prochaine. Oui, on a hâte d'entendre parce ça. Parce que dans l'exposition, même, il y a une boutique pop-up éphémère qui s'est installée au sein même de l'exposition. Donc, on est vraiment dans une espèce de marchandisation aussi. Ah, pas juste une espèce. Oui. Une marchandisation très flagrante. Une marchandisation de la figure de l'artiste. Oui. Et donc, on va sûrement avoir une belle discussion avec Claire Dumoulin la semaine prochaine à ce propos. Oui. Demain, on se donne rendez-vous à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval pour le vernissage de l'exposition Le Cercle d'Arcadie d'Amélie Laurence Fortin, avec qui on a le plaisir de s'entretenir aujourd'hui. C'est à partir de 17h. Oui, et puis c'est le Mars de la maîtrise qui débute dès vendredi au Roulement Abbaye. Le lancement se fait vendredi le 28 février à partir de 17h. Les ateliers vont être ouverts samedi le 1er et dimanche le 2 mars de midi à 17h. Les ateliers du Roulement Abbaye, on le rappelle, sont situés au 336 rue Sainte-Hélène. Et ce vendredi également, à partir de 17h, le public et les médias sont invités au vernissage de l'exposition « Reproduire l'improbable » d'Olivier Moisan Dufour à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et samedi, en après-midi, Gaston Côté, Wa Jin, qui sont les deux participants du projet Assemblage pour sa 3e édition, vont recevoir le public en formule le finissage dans la grande galerie de vue. Donc, vous pourrez aller voir le travail de maquettes de livres photographiques que les artistes ont fait au cours de leur présence. Et samedi, c'est également Amélie Laurence Fortin qui va être à la Chambre Blanche pour l'inauguration de Welcome Out. Donc, ce graffiti va se transformer en œuvre pérenne sur les murs de la galerie. C'est la dernière semaine pour voir l'exposition représentation d'Olivier Moisan Dufour aussi. Ça se termine dimanche le 1er à la bibliothèque Aliette Marchand. Puis finalement, vous avez jusqu'à ce samedi... jusqu'à ce samedi février. Oui, devinez la date. Jusqu'à ce samedi 29 février pour voir la 3e édition du projet Assemblage dont Gentiane parlait justement. On remercie tous nos collaborateurs de ce soir. Merci Gentiane, comme toujours. Merci Myriam. Et on n'a pas de date, mais on a Pierre Blais en studio. RL. Communication. Culture. Pierre Blais, moi, je te lance tout de suite. J'ai envie d'entendre parler de Portrait de la jeune fille en feu. Parle-moi-en. Oui, je l'ai vu, mais je vais laisser Catherine Pelletier nous en parler tout à l'heure parce que c'est quand même l'un des films français les plus attendus de l'année. Oui. Il vient de prendre l'affiche, depuis vendredi dernier. Mais on va faire aussi un lien avec les arts visuels ce soir à l'émission. Ouh là là. Dessin animé, la fameuse invasion des ours en Sicile, tiré d'un conte illustré. Et l'un des animés, c'est le bédéiste et peintre Lorenzo Mattotti qui est derrière ça. Je te félicite pour ta prononciation. C'est un titre pas facile. Mon italien va bien, mais j'irai pas à cause du coronavirus. OK. Dans une minute. Bonne émission. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Pour la semaine de relâche, les cinémas Le Clap de Place Sainte-Foy et de Loretteville vous présentent cette programmation spéciale. Arthur l'aventurier au bout du monde en Australie. Au secours, j'ai rétréci mes parents. Oui, sans parole. C'est quoi cette mamie? Le cercle des petits philosophes. Disparition à Clifton Hill. Donne-moi des ailes. En avant, la fameuse invasion des ours en Sicile. Gare au loup 2. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.